جون الصوم أو الصيام. الصوم, appelé aussi en arabe الصيام, signifie le jeûne, c'est-à-dire s'abstenir de manger, boire ou d'avoir des relations conjugales de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ce, en vue de plaire à Allah. Le jeûne fut prescrit afin d'augmenter la crainte d'Allah dans le cœur de ses serviteurs, comme le dit Allah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba 'alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous soyez pieux. Sourate la vache, verset 183. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Si l'un d'entre vous jeûne, il ne doit ni parler, ni agir de manière grossière. Si quelqu'un le provoque ou s'en prend à lui, qu'il dise « Je jeûne, je jeûne ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les points suivants sont des actes recommandés lors du jeûne. S'empresser de rompre son jeûne dès le coucher du soleil. Rompre son jeûne avec des dattes fraîches ou sèches, ou sinon avec de l'eau. Invoquer Allah au moment de la rupture. Prendre un léger repas le matin, suhoor. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du livre est la collation du matin, suhoor. » Hadith rapporté par l'imam Muslim. Jeûner le mois de Ramadan est obligatoire pour tout musulman adulte, sain d'esprit, en bonne santé et qui n'est pas en voyage. Les femmes doivent remplir les mêmes conditions, mais en plus, ne pas être en période de menstrues ou de lochies.